Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 120 au compteur, hein, comme tous les jeudis soirs de 20h à 22h sur les ondes de RLM 107.9. Ce soir, en comité restreint, on va commencer par la plus charmante et la plus... Oh, elle est mignonne. Bah oui, mais t'es forcément la plus charmante puisque t'es la seule femme de ce soir. Ah bah, merci, donc... merci le compliment. Bonsoir Marine. Bonsoir Harry, ça va? Bah très bien. Alors toi, tu vas nous parler de plein de bonnes choses. Alors, ça va tourner beaucoup autour de Halloween. Ouais, Halloween ce soir, parce qu'on va être en plein dedans, donc faut en parler quand même. Ah ouais, bah carrément. Et bah écoute, il y aura, je sais qu'il y a pas mal de petites choses dans le Moucronois, je sais pas si on peut dire comme ça, mais pas mal d'événements dans le Moucronois très sympas et gratuits. Donc de quoi faire la peur partout autour de vous. Ça veut rien dire ce que je viens de le dire. Le frisson et l'émerveillement. Voilà, et d'être effrayé, voilà. Et en parlant d'effrayant, nous sommes aussi avec Sherlock. Oui, bonsoir. Alors, Sherlock, qui va nous parler évidemment de cinéma, donc oui. Un film de 1900. Ça doit être 95. Octante 5. Octante 5, 1985. C'est ça, ouais, 1985. Voilà, et puis évidemment... Tu et les sorties ciné également qui sont sorties hier. Eh ben écoute, ça marche, et ce sera juste après ça. Eh oui, alors, là, petite intro à la chanson quand même, c'est l'anniversaire de Nilda Fernandez aujourd'hui. Ah. Alors, il a 60 ans. Ah ouais, bah tu Donc on va s'écouter un titre de Nilda Fernandez, on reviendra après. Une tache, une ombre, et dans le désert, des traces de poudre et de safran, des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, le prix que je paye, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Puerta del Sol, station du métro, vers la Plaza Mayor. Je suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi. Les choses que je pense sont un petit air d'accordéon rance quand elle n'est pas avec moi. Madrid, Madrid, le prix que je paye, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Toda una tarde en el retiro, echando piedras a un farol. Els meus amors se han derretido con tanta luz y tanto sol. Madrid, Madrid, me pongo triste al ver lo bien que tú te viste. Si se han de reír de ti. Dans le désert, des traces de poudre et de safran, des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, me desespera, je t'étonne comme mauvais, las caderas, se van a reír de ti. première sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. 107.9 FM. Toujours dans l'émission 120 au compteur. Et c'était donc Christopher Cross avec Ride Like the Wind. Eh bien, on parlait tout à l'heure d'événements qui vont avoir lieu dans le Beaucronois, et bien sûr autour des fêtes de la mort, hein, c'est la fête de la mort, hein, parce que c'est la Toussaint, c'est comme ça, c'est Halloween. Marine. Oui, alors il y aura samedi au Risquontou, donc samedi qui va arriver, le cortège d'Halloween. Le départ, ça va se passer à 19h. Il va passer par l'école Saint-Paul, chaussée de Lille, rue Henri-Duchâtel, rue du Labyrinthe, rue du Calvaire, rue des Prés, pour revenir à l'école Saint-Paul. Et il y aura Steph H qui va faire l'animation. Alors moi, la question que je me pose, c'est comment sera déguisé Steph H, tiens, justement. En diable. Ouais. Diable. Ah, ça lui irait bien, ouais, avec la petite diable. Queue à l'arrière. Ouais, les petites cornes. Les petites cornes. Et il mixe, évidemment, donc sur un char ouais. Mobile, voilà. Donc Stéphane, qu'on retrouvera d'ailleurs, si je ne m'abuse, dans deux semaines pour le défi mix dans l'émission 120 au compteur. Ah, moi je pense que c'était la semaine prochaine. C'est peut-être la semaine prochaine aussi. On doit se déguiser la semaine prochaine. Et on se déguise la semaine prochaine, bien évidemment. Donc on va réfléchir au costume, on se déguisera et on sera un petit Facebook Live pour que les auditeurs nous écoutent. On rappelle effectivement que pour nos amis auditeurs, s'ils veulent nous balancer un petit com, il y a notre page Facebook. Émission 120 au compteur. Voilà, donc n'hésitez pas, ou alors vous avez le numéro de téléphone 056 34 11 81 si vous appelez depuis la Belgique, ou depuis la France au 00 32 56 34 11 81. C'était bien fait. Dans le temps. 107.9 FM. Alors évidemment, vous l'avez compris, on arrive tout droit vers les fêtes d'Halloween, donc il va y avoir plein d'événements donc autour de nous, et Marine continuera à nous en parler. D'ailleurs, hein, il y aura d'autres endroits où vous allez pouvoir vous faire peur et vous effrayer. Mais en attendant, il y a aussi un événement qui est tout aussi sympathique, hein, un peu plus sympathique quand même, en tout cas dans le fond, puisque c'est en partenariat avec la radio RLM. C'est le salon commercial de Waterloo. Ah oui. Voilà, qui va avoir lieu donc ce week-end, et ça démarre d'ailleurs vendredi, samedi et dimanche. Entrée gratuite, bien sûr, sur invitation. Donc là, vous allez retrouver tous les artisans. Alors pas forcément de la région, hein, puisque j'y suis allé tout à l'heure. Il y a aussi des artisans qui viennent d'Alsace pour le vin d'Alsace, par exemple. Des artisans qui nous viennent d'autres régions pour le foie gras. Il y a également des gens qui nous viennent pour de la viande de taureau. Alors ça a l'air fort sympathique. Alors vous avez de tout. Là, je vais parler des métiers de bouche, mais vous avez aussi tout ce qui concerne l'habitat. Donc pour les rénovations, vous avez pas mal d'entreprises. La mode et le bien-être, tiens, ça fera plaisir à Marine avec des belles fringues. On pense à Topoutil d'ailleurs, hein, qui sera aussi également. Il y aura les voitures. Tiens, pour Sherlock, ça pourrait peut-être t'intéresser. Et puis, de manière globale, il y aura de l'artisanat. Vous aurez des gens, par exemple, qui font eux-mêmes des sacs en cuir, des besaces en cuir. C'est vraiment sympa. Cette année, ça grossit d'année en année. Donc, cette année, il y a plus de 80, voire même 90 exposants. Donc, ce sera à la salle Roger Salengro donc ce week-end. Il y aura aussi des exposants en extérieur. C'est un bon rendez-vous. Sincèrement, si vous avez envie de tout simplement de vous balader, de découvrir des produits originaux, eh bien, c'est l'endroit ici prête. C'est le salon donc commercial de Waterloo, le 26, le 27 et le 28 octobre, donc de 10h à 19h, donc à la salle Roger Salengro. Sous-titrage Société Radio-Canada. musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. Et c'était Kim Wilde avec Kids in America. Vu que c'est encore Halloween, j'ai envie de vous faire peur, alors... Rendez-vous rendez-vous rue Camille Lemonnier à Moucron. Donc ça se passe jusqu'au 3 novembre de 19h à 21h. C'est entièrement gratuit. Et j'en avais parlé la semaine dernière. C'est Damien Nessinger qui fait ça pendant un an. Donc, il prépare pendant un an. Il fait pas Halloween pendant un an. Non, il prépare Halloween pendant un an. Ouais. Et du coup, ben, voilà, jusqu'au 3 novembre, et ben, c'est gratuit pour les grands comme pour les petits. Avoir peur et être émerveillé. Alors c'est une question bête, hein, mais comment ça se passe, tu rentres chez lui, enfin il a tout comment ça se passe déjà tu peux pas le louper parce que d'extérieur il y a déjà un super grand décor, les fenêtres et tout ça, et puis tu rentres et là il y a vraiment l'animation qui se passe avec les personnages qui bougent, qui crient, qui parlent, mais ça se passe directement chez lui, c'est ça. Ah ouais, ouais. Donc dans son salon, dans sa cuisine, ah, mais c'est excellent. C'est vraiment excellent, ouais. Et il faut voir, enfin moi je l'ai vu et c'est vraiment extra, quoi. C'est vraiment à faire. Donc c'est un passionné, ouais. Mais ça c'est génial. Les gens peuvent le prendre pour un fou, mais c'est juste un passionné en fait. Ah bon, et rappelle-nous donc l'adresse. Donc ça se passe rue Camille Lemonnier à Moucron. C'est gratuit et c'est à partir de Donc c'est de 19h à 21h et ça se passe jusqu'au 3 novembre. Ah donc ça a déjà démarré là. Ouais, depuis le 24, depuis hier. Donc allez-y, ouais. Allez-y, c'est gratuit en plus, si vous voulez passer un bon moment, je pense que ça peut être aussi sympa. Alors, bonne nouvelle, il y en a encore d'autres, des événements, on va parler d'un autre événement aussi dans un endroit un petit peu plus luxueux, mais sur Waterloo, au Salon des Orchidées, mais on va garder le suspense, ouais. On en parlera juste après ça. Allez. Walking on the road the other day, I hear a little human say. I'm walking on the road the other day, I hear a little human say. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es langue d'océan et comme tu chantes en anglais. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es langue d'océan et comme tu chantes en anglais. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Mets de l'huile, mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute. Mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute, plutôt réglisse, écoute, écoute. Walking on the road another day, I hear another human say. I'm walking on the road another day, I hear another human say. Tu n'es pas rastafarien, tu chantes le reggae. Ta chanson on comprend rien et quand tu la chantes en anglais. Tu n'es pas rastafarien, tu chantes le reggae. Ta chanson on comprend rien et quand tu la chantes en anglais. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Mets de l'huile, mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute. Mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, petit homme, écoute, écoute, plutôt réglisse, écoute, écoute. Yeah. Et sur les hits RLM 107.9 FM. Et oui, on vient d'entendre Sweet Lullaby. Tiens, dis donc, ça faisait longtemps, Deep Forest. C'est ça, ouais. Avec derrière Michel Sanchez. Oui, c'est un groupe français. Ouais, absolument. Un groupe français, Michel Sanchez, qui tourne encore et qui sort des albums puisqu'ils se sont séparés. Mais en fait, c'est aussi eux qui font. Alors, je sais pas si on peut le citer, mais la pub Ushuaïa, vous entendez un peu dans le même rythme, donc de Deep Forest. Ouais. On était sur la partie Halloween. Ouais, toujours. Les parties qui font peur. Ouais, y a plein d'événements qui vont avoir lieu donc dans le Moucronois. Alors, cette fois-ci, on va passer la frontière. Ça se passe à Waterloo. Ouais, au Salon des Orchidées. Ça va se passer le 31 octobre à 20h30. L'endroit y a été entièrement décoré pour l'occasion. Ouais, alors, je ne sais pas si on peut dire décoré, hein, mais oui, si. Il y a fait. Ouais, bien décoré. Que, ouais. Et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est juste en face du cimetière, donc il y aura des guest stars. Il y aura des guest stars, puisqu'il y aura le cimetière et il y a le crématorium sur la droite. Donc peut-être, hein, on ne sait pas. Voilà, hein. C'est la surprise. Vous mettez le feu à la soirée. Ouais. Donc voilà, soirée Halloween le 31 octobre à 20h30 et l'entrée elle est de 5€. Voilà, alors sincèrement faut y aller parce que c'est un bel endroit. Alors il a tout fait pour que la déco soit effrayante. Ouais. Et il y aura aussi donc après vers minuit on dort, je pense à un DJ. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que c'est DJ Fred qui sera là. À noter, donc ce sera donc le 31 octobre à 20h30 donc au Salon des Orchidées à Waterloo. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est juste en face du cimetière, donc pour la fête des morts. C'est l'occasion. Penche la guitare, entonner des tambours. Moi j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche, je me fais la rac à la musique classique. Il est pire. Ne regrette rien. Au discothèque, monsieur, je suis allergique au jazz. Passez s'il vous plaît sur le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme. La cadence, la chanson alors, musique moderne, populaire, c'est un organe, à la mode, alors enfants, foudrez-vous, branchez les guitares, chantez les guitares, je m'en fiche, je fais le rack, alors enfants, jouez. Branchez les guitares, le brio. 106.9 FM. RLM. Toujours dans l'émission 120 au compteur, et c'était donc le groupe Bucketheads avec The Bomb. Ouais, ça j'adore, j'adore cette musique un peu électro des années 90, hein, on est d'accord, hein. 95, ouais. 95. Alors, moi je voulais vous parler de... Alors je vous en avais déjà parlé, mais d'une initiative qui est, ma foi, fort sympathique. Je vous parlais des artistes font leur show, donc c'est l'association qui vient de se créer. Donc l'association a pour but tout simplement de réunir des artistes en devenir, des artistes locaux. Alors ça peut être des danseurs, des magiciens, des chanteurs, des humoristes, et donc à la clé, eh bien il y a des prix à gagner, évidemment, puisqu'en fait l'association va organiser donc un concours, et ce concours aura lieu donc le 24 février donc, au Babylone Cabaret. Donc c'est Grand Rue à Moucron. On en entend de plus en plus parler. Moi je connais pas trop si vous avez déjà été au Babylone Cabaret, mais ça m'a l'air d'être un écrin assez sympathique. L'entrée c'est 5 euros. 5 euros pour les adultes, et pour les enfants, de mémoire, je crois que c'est 3 euros pour les enfants de moins de 12 ans. L'objectif, c'est vraiment de faire un tremplin pour les artistes, donc pour tous les artistes qui nous écoutent, qui ont envie donc de se faire connaître, et puis de profiter d'une scène assez sympathique. Et bien, ça s'appelle Les Artistes Font Leur Show. Donc vous tapez sur Facebook Les Artistes Font Leur Show et vous aurez donc toutes les informations, en sachant que donc le concours aura lieu donc le 24 février à 15h. Pas qui dit pour nos amis artistes. Ok. J'aurais vu le tout. pas s'immiscer. I can move, just feel the groove. C'est sur RLM. RLM. Avec le son belge de Cartouche. Ça ah, c'était Cartouche. Ouais. C'était ah, Feel ouais. the Groove. Ah, c'est belge. Ouais, c'est belge. Donc, quoi, y a ça date de 91. C'est belge qui fonctionne bien. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai un petit appel à candidature qui va te faire plaisir, mon ami Sherlock. Ah. Et peut-être même que tu vas candidater, tiens. C'est pour le salon de l'érotisme ? Non, non. Les micro-pénis, ils en veulent pas au salon de l'érotisme. Non, mais ça va te faire plaisir parce que figure-toi que bon, ils sont en train à Disney de retravailler un peu les défilés et puis ça va tourner beaucoup autour de Star Wars. Ah oui ! Eh oui, d'ici quelques semaines, ça va être la folie de Star Wars. Et justement, eh bien, il va y avoir un casting pour pouvoir effectivement faire partie du défilé et choisir. Alors, ils vont choisir donc des gens, donc minimum, c'est 1m78. Ouais. Donc tu pourrais, oui. Je pense que tu pourrais. Ça va. Pour faire un des personnages de Star Wars. Et donc le casting aura lieu le 29 octobre, donc à l'hôtel Mercure de Lille. Ouais. Dans le Vieux-Lille. Donc ne me fais pas la blague de Tabith Puldiolil. Si vous souhaitez tout simplement être un des personnages, un Stormtroopers, Dark Vador, ça m'étonnerait à mon avis de l'envoyer. Jabba the Hutt. Ou Jabba, tiens, peut-être tu pourrais faire Jabba. Ouais, forcément. Marine, c'est génial. Marine, si si t'étais un personnage, tu serais qui? Les petits ours tout mignons là, les Ewoks. Ah, ouais. Ah ouais, moi je te vois plutôt dans Jar Jar Binks là, tu vois. Jar Jar Binks. Ouais, Jar Jar Binks. C'était lequel ça? Tu qui court dans la forêt là? Ouais, c'est ça. Petit machin. C'est Missa, Missa. Voilà, donc n'hésitez pas, donc c'est le 29 octobre, donc le casting. Alors j'imagine qu'ensuite vous allez vous retrouver sur la plaine Saint-Denis, à Disney forcément. Mais le casting est ouvert. Vous avez une page Facebook hein, pour ça, où il est marqué casting figurant Star Wars, donc sur Facebook. N'hésitez pas à postuler si vous souhaitez devenir mon père. Ouais. Allez, on se retrouve après ça. Alors justement, en rapport avec Halloween. Johnny Hallyday, allumez le feu. Parler de Star Wars. Flamme dans mon... 107.9 FM. RLM. C'était donc Case Choice avec Not an Addict, encore un groupe belge. Ah, décidément. Eh ouais. Et là, je vais vous parler de tout autre chose. Je vais vous parler de cinéma, d'un film que j'ai vu cette semaine, qui date de 1985. Ouais. Du 4 décembre 85, exactement. C'est sorti un mercredi. Oh, c'est bien possible. Alors, la musique est de Dave Grusin. Le film a fait 1 316 861. C'est vrai ? Ah ouais, franchement, j'adore. Oh, merde. Ouais. Ça y est, il va déjà trouver. Ouais. Bon. Est-ce que c'est un rapport avec Silver Spoon ? Silver Spoon ? Ouais. Ou La Belle Vie ? Non. Il y a un point commun, non ? Je crois pas, non. D'accord, bah tant mieux. Alors, il a reçu 2 prix, dont un Saturn et un Young Artist Award. Et dedans, il y a les acteurs. Alors, Cary Grant, Jeff Cohen, Anne Ramsey, Jonathan K. Kwan, Robert Davi, Corey Feldman. Je vais m'arrêter là, je vais laisser les deux plus connus pour la fin. Et je vais vous passer un premier extrait, écoutez bien. Tu vas cracher le morceau et nous raconter toute ton histoire. D'accord, je vais vous la dire. En 9e, j'ai triché à la compo d'histoire et géographie. En 8e, j'ai fauché la moumoute de mon oncle masque et je l'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la fête de mon cours d'hébreu. Mais le pire des trucs que j'ai jamais fait, j'ai fait une bouteille de faux vomi chez moi et je suis allé au cinéma de mon quartier. J'avais la bouteille sous mon sweatshirt. Je suis monté m'asseoir au balcon et à l'heure, j'ai fait un bruit dégueulasse. Et j'ai vidé la bouteille de dégueulis. Je l'ai jetée par-dessus bord sur la salle. Et alors, tout le monde s'est mis à dégueuler dans la salle. Ils dégueulaient partout les uns sur les autres. De toute ma vie, j'ai jamais autant regretté ce que j'avais fait. Alors, je vois que Harry a déjà trouvé ça m'énerve. Ça m'énerve. Bouffi bouffon. Oui, effectivement. Je savais pas que c'était Dave Grusin qui avait fait la musique, parce que j'adore Dave Grusin. C'est vrai ? Ouais. Bah, tu vois, je connaissais même pas Dave Grusin. Ouais. Je vais vous passer un deuxième extrait et ensuite on reviendra après la musique du film et on parlera des anecdotes et du film en général. Pour se sauver, il faut jouer toutes les notes indiquées. Si trop d'erreurs tu commets... Mon Dieu, il faut pas commettre d'erreurs. Tu finiras bientôt... Quoi ? Bientôt quoi ? Quoi ? Mouertant. Mais ça veut dire quoi ? Mort. Oh non ! Il faut jouer sur tous ces ossements pour sortir d'ici. Oui, c'est ça. Regardez les mecs, il y a des notes. C'est un Andy, t'as pris des leçons de piano, toi. Il faut les jouer. Oui, mais vous savez, je n'avais que 4 ans. Est-ce que t'as envie de vivre jusqu'à 17 ans ? Connais la musique, allez, joue. Qu'est-ce que tu fais ? Faut d'abord que je trouve le do. Ça n'a rien à voir avec le Steinway de ma mère. Fais quelque chose, vite. Mais dépêche. We'll be right back. C'était donc Cyndi Lauper avec le titre. Mais si je dis ça, je dis le titre du film. Donc, vous allez me donner le titre du film. Non, on va pas te le donner, puisqu'on va encore donner des indices. Moi, je peux en donner un autre. Et Marine, ça va la mettre sur la voie si je dis Sinoc M. Choco. Ah, bah oui. Mais j'espère que c'est bon du coup. Bah vas-y, Tu peux donner le titre. Les Goonies. Oui, c'est ça, effectivement. Bien sûr. Les Goonies. Donc le titre de Cyndi Lauper, c'est The Goonies Are Good Enough. Ah ouais. Je savais pas qu'il y avait Goonies dans le titre. Ouais, si. Alors, on l'entend pas, je pense, par contre, dans la chanson. Ah, ok. Donc, ça se passe donc à Astoria à l'automne 85, alors que les Fratelli donc s'évadent de prison, Mickey et ses potes, une bande de gamins, trouvent dans le grenier de ce dernier une vieille carte au trésor. Alors que leur quartier va bientôt être rasé par un promoteur pour être remplacé par un terrain de golf, les garçons décident de se mettre à la recherche du butin pour éviter la destruction des maisons. Alors je vais essayer de vous passer la musique du film, c'est celle-ci. Hop. Alors, donc, bientôt rattrapés par Brian, le frère de Mickey et deux amis, Steph et Andy, les Goonies, suivant leur carte, arrivent et pénètrent dans un vieux restaurant en bordure de mer, sans savoir que l'endroit est déjà occupé par les Fratelli en cavale. S'en suivra de la poursuite de leur aventure souterraine jusqu'au bateau de pirates de Willy le Borgne et son fameux trésor. Alors, comme anecdote, j'ai trouvé quelques petits trucs. Parmi les jeunes le jeune casting de la bande des Goonies figurent deux graines de comédiens ayant déjà travaillé directement ou indirectement avec Steven Spielberg. Ah bah oui. Il y a Corey Feldman. Oui. Alors oui. 2001, non ? Oui, c'est ça. Ouais. Alors il y a déjà Corey Feldman, donc qui était apparu dans Gremlins, produit par Steven Spielberg en 84, tandis que Jonathan Kikwan a débuté au cinéma dans le rôle de 2001, le petit compagnon d'Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple maudit. Alors Heather Langenkamp auditionna pour le rôle d'Andy. Spielberg et Richard Donner, donc le réalisateur, trouvèrent son audition très bonne. Cependant, elle avait 20 ans à l'époque, le scénario la décrivait comme âgée de 17 ans, et Spielberg et Donner estimaient qu'elle paraissait trop âgée pour le rôle. Langenkamp leur en a voulu. Spielberg, qui se sentait mal d'avoir refusé, lui proposa 7 ans plus tard le rôle de Ellie Sattler dans Jurassic Park en 93, afin de lui présenter ses excuses, mais elle refusa parce qu'elle était sur le point de jouer dans Freddy sort de la nuit de Wes Craven. Ah ouais. Le réalisateur des Goonies, donc Richard Donner, fait une apparition dans le film. Il revêt l'uniforme d'un policier aux cheveux gris dans la scène où les Goonies s'échappent de la caverne dans un bateau. Oula, on va le savoir. Le film brasse les références cinématographiques destinées néanmoins à un jeune public découvrant la cinéphilie. Par exemple, le personnage de Corey Feldman porte tout au long du film un t-shirt à l'effigie de du film Purple Rain, tandis qu'une miniature de R2-D2, le robot de la guerre des étoiles, est cachée dans le petit vaisseau spatial à la fin du film. Le personnage de Jonathan Kikwan porte quant à lui une ceinture frappée du sceau de 007. Le code de l'agent secret de James Bond. On retrouve également dans le film des références aux Gremlins, à Superman ou à la Grande Évasion. Et je vais vite finir. Donc, lors de la scène où les pierres tombent du plafond de la grotte, on entend Jonathan Kikwan, qui, alors en français, qui crie bordel de merde, désolé. Hein, c'est pas grave. Et en anglais, il dit Holy S-H-I-T. Donc, Holy shit, normalement. Ah oui. Mais il le dit pas. Complètement, parce qu'il avait promis à sa maman de ne pas dire de gros mots dans le film. Voilà. Eh ben écoute, belle rétrospective. Richard Donner, qu'on peut dire au passage, a réalisé L'Arme fatale. Oui, L'Arme fatale, oui, effectivement. Eh ben on en parlera juste après la coupure musicale, tiens. Ça marche. Pour rappeler des souvenirs. Oui. I can feel you C'était Carlos Santana et Wyclef Jean avec Maria Maria. Ouais, Clef Jean qui est un des Fugees. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si ça tourne encore, les Fugees. Je ne pense pas. Enfin, ils doivent faire des remixes ou des trucs comme ça, mais il n'y a plus Lauryn Hill déjà dans le groupe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vu qu'elle a eu des soucis, des maladies, enfin bref. Donc revenons tiens justement sur les Goonies. Oui. Ça rappelle des souvenirs bien évidemment. Alors Marine peut-être un peu moins, mais ouais beaucoup moins ouais. C'est vrai. Ah, moi j'ai adoré ce film. Mais, j'ai pas trop mais c'est un film qui revient assez souvent à la télévision. Au Père de Noël. C'est un film feel good movie comme on appelle. Ouais. Enfin un buddy movie, un feel good movie. Ouais. C'est-à-dire que c'est un film de copains. Donc qui se passe avec les copains et un feel good movie parce que c'est un film où on se sent bien en fait quand on regarde ça. Ouais, ça bien. Se regarder, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Sinoc. Et Sinoc, et ben justement Sinoc en fait parce que je m'étais intéressé à lui, c'était John Matuszak. C'est ça, John Matuszak. Et ouais. John Matuszak en fait était à l'origine alors. Il n'est pas aussi né que dans le film. Non, évidemment. Il était maquillé. Mais c'était quand même. Alors il était en première position. Dans l'équipe de Houston Oilers. Ouais. Et il a remporté donc deux fois le Super Bowl. Donc c'est un rugby. Ah ouais, quand même. Enfin, je sais pas si on dit rugby. Non, c'est un footballeur américain. Un footballeur américain, voilà. Donc, et qui est décédé par contre. Alors il est décédé il y a longtemps quand même. Il est décédé en 1989. Donc, d'accord. Voilà, donc il a quand même. Il a fait pas mal de films. Pas mal de films qui n'ont pas forcément marqué les mémoires. Mais il a fait les Goonies évidemment. Et on l'a vu dans pas mal de téléfilms assez connus. On l'a vu dans MASH. Ah oui, la série. Dans Shérif fais-moi peur. Ah alors ouais, là, c'est j'adore ça. Dans les années 80. Ricky ou la belle vie. Ah ouais. Ouais. Silver Spoons. Donc c'était bien ça en fait. Ouais. Alors j'avais pas la référence. Tout à l'heure, effectivement, je te parlais de Silver Spoons parce qu'en fait, il a fait aussi quand tu as passé, tu m'as parlé de Dave Grusin. Grusin, c'est aussi le compositeur de la musique du film Le Champion. Alors je sais pas si tu l'as déjà vu ce film avec Ricky Schroeder qui est magnifique. D'accord, non, je ne l'ai pas vu, je pense pas. Et puis John Voight, qui est le papa d'Angelina. Oui, le papa d'Angelina Jolie. Donc c'est un film qui date évidemment des années 80 et qui avait aussi fait parler de lui parce que voilà, c'est un film qui avait très très bien marché. Et tu es étonné d'ailleurs que tu nous en aies pas encore parlé. Donc, voilà. Bah, écoute, j'ai beaucoup de films à regarder, donc effectivement, juste un petit truc. Par rapport à John Matuszak et le rôle de Sinoc, forcément il n'avait pas ce visage là il lui avait lui un faux œil un peu plus bas que la normale. Et en fait pour la petite anecdote, il y avait un technicien qui lui faisait un décompte à chaque fois qu'il devait cligner des yeux pour être raccord avec le deuxième œil en fait. Ah, ça va, c'était fait par un petit bouton en fait que sur lequel le technicien appuyait. Donc à chaque fois il faisait 3 2 1 clic clac et puis lui il appuyait en même comme temps sur le bouton. Comme on fait avec Canon en fait. C'est ça voilà. Exactement. Ah bah ça veut pas partir. Ah bah si. FM. It's summertime. Ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant man and cat, come on. Wine up, wine up, wine up, oh yeah. Wine up, wine up, wine up, oh yeah. Insolite RLM 107.9 FM. Et c'est toujours aussi bon, bien évidemment, donc comme tous les jeudis soirs de 20h à 22h. J'espère que vous passez un très très bon moment en notre compagnie. On a un petit message d'Harold qui nous écoute. Harold, alors d'ailleurs, ça tombe bien puisqu'on a avec nous un invité comme ça, surprise, Lucky, qui est venu nous rejoindre. Tu te rappelles d'Harold quand même? Oui, bien sûr. Voilà, rapproche-toi du micro. Oui. Voilà, donc Lucky est avec nous, Harold. Donc Harold qui s'est occupé entre autres de toute la lumière de la Delta Fête. Hein. Voilà, il a fait Harold, ça. Harold et alors bien sûr avec Christopher aussi. Donc ouais. Ça a été quelque chose de magnifique. Et leur prestation a été très appréciée dans le sens où c'était quand même quelque chose de fantastique par rapport au spectacle et tout ça que nous avons voulu montrer. Et ah ouais, voilà, ils se sont bien débrouillés, faut avouer qu'il y avait toute une équipe derrière. C'était digne d'une scène de grand concert. Ah oui, ah ouais, mais complètement. Donc, ouais. Complètement. Et effectivement, on peut remercier l'orchestre Sébastien qui est intervenu. On peut remercier Harold, on peut remercier son gamin aussi qui était là aussi, qui mais a donné un coup de main. Voilà. Avec un professionnalisme voilà. Exceptionnel. Christopher, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu chauds hein, où il y avait des imprévus. Voilà, c'était une première et forcément, il y a eu des trucs à gérer et bon dans l'urgence bah, on a fait au mieux qu'on pouvait le faire. Et bah, ça a été une réussite réellement. Et est-ce que l'année prochaine alors on aura une deuxième édition? Certainement. Ah, bien. Donc oui. Tout est prévu pour ça. Maintenant il faut encore faire vraiment un débriefing de cette édition-ci avec un peu tout le monde, mais on est déjà en train de préparer pour l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Et bah c'est une bonne nouvelle, ça c'est une bonne nouvelle. Sherlock? Oui. On va se retrouver après une petite coupure musicale. Moi, ça, c'est bien. Et je vous parle. Ouais, je sais, j'ai une grosse voix. Mais j'ai un rhume en ce moment. Ouais. Ah, j'ai un rhume. T'es enrhumé ? Ouais, je suis un peu enrhumé. Tu es un rebelle. On va se retrouver. Tu es un rebelle. On se retrouve après une petite coupure musicale et je vous parlerai des sorties ciné. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y passer. Penser à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes. Pleines de brume, ceci. N'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh ni d'éternel, non, non, non. Le temps a abjuré, sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Non, non, non, non, non.

une étrange marionnette de ventriloque, tout droit sortie d'un livre chair de poule jamais publié. Cette dernière souhaite avoir une vraie famille et n'hésite pas pour cela à enlever la mère de Sony et à invoquer des amis monstres. Sony, aidé de son voisin Monsieur Chu, c'est un chinois, Je me doute, sans blague, vont tout faire pour sauver leur mère et la ville des plans machiavéliques de l'épouvantable marionnette déchaînée. Bien, tout un programme. Ah ouais, tout un programme. Et on va se retrouver donc après une petite coupure musicale, juste une chanson, et je reviendrai donc pour les sorties France. Et qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens? Comment faire pour faire autrement que ça? Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala, parala, parala. Je me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala, parala, parala. Je me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveillez-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison. Je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala, parala, parala. Me dis que toi aussi. Parala, parala. La musique que vous aimez, c'est sur RLM. C'était donc Boulevard Désert avec Je me dis que toi aussi. Palala, palala. Oui, palala, palala. Palala, palala. Palala, palala. Alors, je vais continuer donc avec les sorties ciné, cette fois-ci donc pour la France avec le film Le Grand Bain. Ça, c'est sorti également en Belgique hier. C'est avec Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet et Virginie Efira. Donc, il y a quand même deux Belges dans le casting. C'est un film de Gilles Lelouch. Et donc, c'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gente féminine, la natation synchronisée. Wow. Ouais, c'est dans quel titre? Non, mais c'est un scénario. Et c'est avec Catherine. Il est pas belge, Catherine? Non, je pense pas que Philippe Catherine soit belge. C'est vrai? Ouais. Bah mince alors. Pardon. En tout cas, elle a la banane. Et donc, je vais finir avec les sorties ciné avec le film Halloween. ouais, tout simplement. Encore une éternelle. Oui, alors. Éternelle version. Alors, c'est un remake sans être un remake. Il y a dans le film Jamie Lee Curtis, qu'on avait vu dans le premier film, Halloween. Oui, effectivement. Ouais. Il y a Judy Greer et Andy Matichak. C'est un film de David Gordon. Ça, c'est sorti également en Belgique hier. Et donc, c'est Laurie Strode, donc, qui est jouée par Jamie Lee Curtis, qui est de retour pour un affrontement final avec Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu'elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d'Halloween, 40 ans plus tôt. Sauf que là, elle est préparée. Elle a préparé toute sa maison, elle a des flingues. Il était temps. Bon, je me doute qu'à la fin, il sera toujours pas mort, parce que, à mon avis, ils ont. Bah non, mais je me doute, c'est un slasher. Le rôle des slashers, c'est de pas mourir à la fin. On sait pas. Bah non. Il faut aller le voir. Ouais, bah forcément, il faut aller le voir. Allez, bah on va s'écouter Imagine Dragons et on revient tout de suite après. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth, the truth. Que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. Et c'était Natural de Imagine Dragons. On parlait de Halloween tout à l'heure, il y a une soirée demain soir qui se passe au Forever à Moucron au cinéma. Ça va se passer à partir de 20h45 jusque 3h15. Il y aura des animations qui seront assurées par Perfect Dance. Il y aura des surprises, des zombies. Perfect Dance. Yeah. Avec Christopher évidemment, qui est le boss. Ouais. Et donc voilà, donc il y aura des films d'horreur. Il y aura en avant-première en version originale Hellfest. Ensuite Halloween en version française. On vient d'en parler. Donc on vient d'en parler hors antenne. Non, on en a parlé juste avant. Le film, on en a parlé. Je suis. Oui, parce que c'est moi pour une fois. C'est pour ça que je disais, faut pas dire la fin, faut aller le voir demain. Il y aura Suspiria en version originale aussi, en avant-première. Un remake aussi, hein, c'est un vieux film. Oui, exact. Enfin. Ouais. Oh. Et, oui. Et Hostile en version française. Donc c'est demain à partir de 20h45 jusqu'à 3h15. Voilà, et le prix est assez démocratique, je pense. Hein. Oui. De mémoire, je crois que c'est 5 euros. Ouais. C'est ça. Donc ça vaut le coup, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et puis il y aura de l'animation et on peut faire confiance à Christopher Renard pour le coup qui va vous faire frémir de peur. Bon, en parlant de frémissement, Sherlock, une petite musique. Oui, juste une petite. Après, on va devoir se quitter déjà. Déjà. Et le temps de rappeler quand même un événement. Mais on aura le temps de passer de musique. Oui, ça marche. Allez, on se retrouve après Chaka Ponk. C'est sur RLM. RLM. Et oui, donc toujours dans l'émission 120 au compteur, il nous reste une poignée de secondes avant de se saluer. Alors le temps de vous rappeler aussi qu'il y a un bel événement, on en avait parlé ces semaines précédentes. Donc c'est la soirée caritative qui aura lieu donc au CSE donc ce vendredi soir. Donc quand je parle de soirée caritative, donc c'est pour les clowns de l'espoir. Et donc tous les fonds vont être versés donc à l'association. Et Donc cette soirée est une soirée concert, spectacle, dans lequel vont se succéder de différents artistes, des chanteurs, des magiciens, des danseurs. Il y aura entre autres Pierre Pruvot, qui est chanteur, que je ne connais pas. Il y aura Jean-Mi et Charlie, un super ventriloque. Oui. Il y aura Emmerich Magic. Il y aura l'association Nord-Sud, qui reprend tous les succès des années 80 et d'aujourd'hui. Je peux vous dire qu'ils assurent. Ouais, c'est clair. Il y a Patsy, qui sera là aussi. Rappelez-vous, hein, dans les années 80, il y avait Liverpool. Liverpool. Et donc c'est une soirée caritative qui aura lieu donc au centre socio-éducatif donc de Waterloo. L'entrée c'est 6 euros. Il reste encore des places, il en reste pas beaucoup, mais vous pouvez les prendre donc demain à partir de 19h, et en sachant que le concert, donc le spectacle, va démarrer donc à 20h. Il nous reste quelques secondes pour remercier la Marine. Merci à toi pour sa chaleureusité. Oui. Sachez la rollerosité. Surtout pour nous avoir parlé de toutes ces événements. Enfin, pour être à fond. Toutes ces idées sorties. Pour Halloween. Sorties, voilà, pour Halloween. Halloween. Voilà, merci. Et je dirais Marine, retournez maison. Merci à Sherlock aussi également pour le rétrociné et puis les sorties Cinoche de demain. Je vous en prie. De la semaine prochaine. Enfin bref, hier. Hier. Voilà. Et puis on salue aussi Lucky qui nous a fait un petit coucou et ça nous fait bien plaisir. Merci à vous. Et puis Christophe qui est le garde du corps de Marine qui vient aussi régulièrement. C'est mon bodyguard. Et n'oubliez surtout pas de changer l'heure ce week-end. Ah, c'est dimanche. Vrai. On recule. On recule l'heure. Comment veux-tu? Bon, sur ces bons mots, on va se quitter. Hein. Alors, restez bien sûr à l'antenne de RLM 107.9. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Ciao, bye. Ouais. Et demain matin, ce sera Arnaud Tirard de 7h à 10h. Ouais. Allez, ciao, ciao.